Les rubis du temple de Shiva. Une enquête du célèbre détective japonais Ikkō Teruka par José Moselli. Chapitre 1er. La veille du jour où il devait s'embarquer pour le Japon, Ikkō Teruka entendit résonner le timbre du téléphone placé dans la chambre qu'il occupait à l'hôtel Windsor. C'était le chef de la police de Colombo qui parlait. « Je vous attends avec impatience, monsieur Teruka. » disait le fonctionnaire. Il s'agit d'une affaire extraordinairement grave et à laquelle nous ne comprenons rien, et elle peut donner lieu à d'importantes conséquences politiques. Peut-être pourrez-vous me donner d'utiles indications, je vous attends de suite. Ikkō Teruka eut une grimace de mécontentement. Si flatteuse qu'elle fût, l'invitation du chef de la police de Colombo ne lui plaisait qu'à demi. Il se demandait s'il n'allait pas être obligé d'ajourner son départ. Bon, pensa-t-il. « Je lui donnerai les renseignements qu'il demande, si je peux. Mais je veux partir demain. » Il se pencha sur le téléphone et répondit « Je viens immédiatement. » Ayant raccroché l'appareil, il fit une rapide toilette, sortit de l'hôtel et là un rickshaw, un pousse-pousse, qui en quelques minutes le mena devant le bâtiment de la police. À peine eut-il fait passer sa carte qu'un planton l'amena devant le haut fonctionnaire anglais qu'il avait prié de venir. Monsieur Clark, tel était le nom du chef de la police de Colombo, était debout dans l'immense salon lui servant de bureau. Il s'avança vers Ikkō Teruka et lui serra la main. « Voici ce que c'est, monsieur Teruka, » dit-il après avoir remercié le célèbre détective japonais, et s'est installé avec lui sur un canapé dans un coin de la pièce afin de pouvoir parler plus bas. « Ainsi que je voulais téléphoner, il s'agit d'une affaire excessivement grave et qui peut provoquer la révolte des indigènes. Vous voyez que j'ai confiance en vous et que je vous dis tout. Voilà. Aux environs de Kandy, à une centaine de kilomètres d'ici, existe un temple célèbre dans l'Inde tout entière. La première pierre, paraît-il, en fut posée en présence de Bouddha Gautama lui-même. Du moins la légende le dit. Or, ce temple est maintenant dédié à Shiva, le dieu de la destruction. Une statue de cette divinité se trouve au fond du sanctuaire. Elle est vénérée dans l'Asie entière. Ses yeux sont faits de deux énormes rubis qui lui donnent une apparence horrible. Je vous dirai que je ne l'ai pas vu. Quoi qu'il en soit, les yeux de rubis de Shiva sont évalués à plus de 50 000 livres sterling. Ils viennent d'être volés. Oui, je n'ai pas besoin de vous dire l'émotion que ce vol a provoqué, non seulement dans la ville de Dambulla où se trouve le temple de Shiva, mais encore dans toute la région. L'administration ayant été saisie d'une plainte, nous avons fait tous nos efforts pour retrouver le coupable, et aussi les rubis sacrés. Enfin, après de laborieuses recherches, l'inspecteur Boltam, du secret de service, est parvenu à découvrir le coupable. C'est un ingénieur nommé John Gilcott, employé dans les plantations de thé de Dambulla. Un homme qui a gagné une grosse situation. Nous l'arrêtâmes. Il affirma qu'il était innocent, naturellement. Mais les perquisitions faites chez lui firent découvrir un fragment de pierre polie que l'on examina. Ce fragment est constitué par un morceau du rebord de l'œil de Shiva. Il devait être adhérent à un des rubis volés. Lorsque l'ingénieur a arraché les deux pierres précieuses, il agit précipitamment. Et une fois chez lui, il a dû nettoyer les gemmes et faire tomber ce fragment de pierre qui l'a trahi. Malgré cela, il a continué à nier. Pendant ce temps, les indigènes se livraient à des manifestations dans toute la région. Ils tenaient des réunions tumultueuses. Les fanatiques accusèrent même le gouvernement anglais d'avoir fait voler les yeux de Shiva pour se procurer de l'argent. Vous comprenez notre embarras. Enfin, l'ingénieur Gilcott fut traduit devant le jury. Il a été condamné il y a quelques jours à 2 ans de prison. Et depuis, il y a eu de nouvelles manifestations. Les fanatiques de Shiva ont estimé que la condamnation était trop légère, que Gilcott avait agi par ordre. Que sais-je, on a même attaqué la maison du district à Tornay à Dambulla. Il a fallu faire venir de la troupe. Et cette nuit, pour compléter notre tracas, Gilcott s'est évadé. Comment? C'est ce qu'il a été impossible de savoir. Personne n'y comprend rien. Il faut absolument que nous le retrouvions, car les hindous sont persuadés que nous l'avons fait embarquer pour l'Europe, avec les rubis, et que tout ceci est une comédie. Les fanatiques de Shiva sont nombreux et déterminés. Si nous ne retrouvons pas d'abord Gilcott et ensuite les rubis, nous pouvons être sûrs que nous aurons des troubles et que certains fonctionnaires anglais seront assassinés. C'est pour cela, monsieur Teruka, que j'ai pensé à m'adresser à vous. Je suis autorisé par le vice-roi de l'Inde à vous offrir une prime de 100 000 roupies si vous pouvez mettre la main sur le fugitif et sur les deux rubis. Vous aurez toute facilité d'agir. Je vous donnerai un papier mettant les autorités à votre disposition. Vos frais seront payés libéralement, et si vous acceptez, nous allons câbler au gouvernement japonais de vous mettre en congé afin que vous puissiez agir en toute liberté d'esprit. Acceptez-vous ? Le gouvernement de Sa Majesté ne sera pas ingrat.